nuovo test. C'è il rischio, potrebbe esserci il rischio, di spezzare l'unità dell'essere, no? L'unità dell'essere. Che significa che lo spazio è un corpo e un altro modo di essere? Ci sono diversi modi di essere, cioè la realtà è una, ma ci sono diversi modi, diverse realtà. E se ci sono diverse realtà, qual è, come facciamo a verificare, no? Come facciamo a toccare, tra virgolette, la realtà dello spazio sociale sporco? Non c'è il rischio di essere metafisici, con una teoria di quel tipo? Oui, c'est une question très importante. Sì, è una domanda molto importante, un problema importante. Et là, on est dans le domaine de la philosophie proprement dit. E si è nel campo della filosofia propriamente detta. C'est-à-dire, en un sens, moi je ne peux pas démontrer ce que je vais dire. Non posso dimostrare quello che dirò. Mais je pense que tout ce que nous savons. Penso che tutto quello che sappiamo. Montre que ce qu'on peut appeler l'être en général. Dimostra che quello che si può definire l'essere in generale. On peut aussi bien l'appeler. Si può anche definire. Le chaos. Il caos. Ou l'abîme. O l'abisso. Ou le sans fond. O il senza fondo. Et que ce chaos ou cet abîme. Et que questo caos o questo abisso. Est d'une certaine façon stratifié. È in un certo modo stratificato. Ou qu'il a des feuillets différents. O che ha aspetti diversi. Feuillets. Strati. I fogli diversi, insomma, strati sottili. Alors, si on prend le point de vue. Si si prende il punto di vista riflessivo e discursivo. Riflessivo e discorsivo. E tutto ciò che noi sappiamo in quanto que esseri umani occidentali. E tutto quello che sappiamo sugli esseri umani occidentali. En 1983-84, je pense qu'on peut distinguer certainement. Credo che si possa distinguere sicuramente. Trois strates. Tre strati. Qui sont d'ailleurs très classiques. Che sono peraltro molto classici. Dans l'être. Nell'essere. Une strate qu'on peut appeler. Uno strato che si può definire. L'être physique au sens strict du terme. L'essere fisico nel senso stretto del termine. Une autre strate qu'on peut appeler l'être du vivant. Un altro strato che si può definire l'essere del vivente. Et une autre strate qui correspond au monde humain. E un altro strato che corrisponde al mondo umano. C'est-à-dire à la fois. Le psychique et le social historique. Nello stesso tempo la psiche e lo sociale storico. Alors, je dis que cette distinction est bien sûr classique. Naturalmente questa distinzione è classica. Mais la position traditionnelle. Ma la posizione tradizionale. A toujours été plus ou moins. È sempre stata più o meno. Du moins la position dominante centrale. La posizione dominante centrale. Que il y a possibilité de réduire tous ces types d'être. Che è possibile ridurre tutti questi vari tipi d'essere. Un seul. In uno solo. Et ce type seul. E questo unico tipo. A été encore une fois dans le courant dominant. È stato ancora una volta nella corrente dominante. Pensé comme l'être complètement déterminé. Pensato come l'essere completamente determinato. Alors, la distinction dans les grandes querelles de la philosophie. Ora, la distinzione nelle grandi discussioni della filosofia. On peut les réduire un peu à cette bifurcation. E si possono ridurre un po' a questo tipo di biforcazione. Pour les uns, ce qui est complètement déterminé. Per certi, quello che è completamente determinato. Et qui donc est le paradigme de l'être. E che quindi è il paradigma dell'essere. À quoi il faut réduire tout le reste. A cui occorre ridurre tutto il resto. C'est l'être physique. È l'essere fisico. Bon, et c'est en gros ce qu'on a appelé le matérialisme. È quello che pensa poco si è definito il materialismo. Et pour d'autres. E per altri. Ce qui a été considéré comme complètement déterminé, quello che è stato visto come completamente determinato, è pleinement être, è pienamente essere, ça a été quelque chose qui à nos yeux ou à mes yeux, è stato qualcosa che ai nostri occhi, ai miei occhi, est une création du monde humain, du monde social historique, è una creazione del mondo umano, del mondo sociale storico. C'est-à-dire l'être idéal. Et cioè l'essere ideale. Bon, par exemple, pour quelqu'un comme Platon. Come per esempio, come qualcuno come Platone. Ce qui est vraiment. Ciò che è veramente. Comme vous le savez. Come sapete. C'est les idées. Sono le idee. Et le monde matériel est une sorte de dérivation. Il mondo materiale è una specie di derivazione, d'imitation imparfaite, d'imitazione imperfetta de ces idées. Di queste idee. Et on ne peut comprendre quelque chose au monde matériel. E non si può capire qualcosa del mondo materiale que dans la mesure où on connaît le monde des idées. Se non si conosce appunto questo mondo delle idee. Bon. Alors. À mes yeux, ces trois mondes sont irréductibles chacun à l'autre. Ai miei occhi, questi tre mondi sono irriducibili gli uni verso gli altri. Je veux dire par là. Intendo con questo. Que je ne crois pas, par exemple. Che non credo, per esempio. Qu'on arrivera jamais à réduire parfaitement. Che si potrà mai ridurre in modo perfetto. Le monde du vivant. Il mondo del vivente. Simplement à une opération des lois physiques. Semplicemente a un'operazione di leggi fisiche. Il émerge là quelque chose d'autre. Emerge qualcosa d'altro. De nouveau dans l'être. Di nuovo nell'essere, appunto. Et pourquoi je dis autre et nouveau? Perché dico altro e nuovo? Parce que le monde du vivant. Perché il mondo del vivente. Fait surgir. Fa sorgere. De nouvelles déterminations. Nuove determinazioni. Qui n'existent pas dans le monde physique. Che non esistono nel mondo fisico. Qui n'ont pas de sens dans le monde physique. Che non hanno senso in questo mondo fisico. Si on dit par exemple, pour parler rapidement. Se si dice appunto, per esempio, per parlare rapidamente. Que tout être vivant ou toute espèce vivante. Che qualsiasi essere vivente o qualsiasi specie vivente. Tende a conservare son identité, la sua identità, a se conserver, quindi a conservarsi, à la fois comme spécimen, come specie, come individuo, et comme espèce, e come specie, et qu'on considère, e che si considera, tous les mécanismes et les dispositifs, tutti i meccanismi e i dispositivi. Que le vivant fait exister. Che il vivente fa esistere. Pour se conserver comme identité. Per conservarsi come identità. On trouve des choses. Si trovano delle cose. Qui bien entendu ne violent pas et ne peuvent pas violer les lois physiques. Che non violano e non possono violare le leggi fisiche naturalmente. Mais qui font apparaître des lois et des déterminations à un autre niveau. Che fanno apparire le leggi ad un altro livello, le determinazioni ad un altro livello. Bon, la même chose à mes yeux est vrai. Lo stesso vale ai miei occhi. Pour le monde humain, en particulier le monde social historique. per il mondo umano e in particolare quello sociale storico. C'est-à-dire, nous avons là, de même que dans le monde vivant, nous avons ce fait de la vie. Abbiamo in questo caso, così come nel mondo vivente, il fatto della vita, che après tout è indéfinissable. Che dopo tutto non è possibile definire. Je crois qu'encore aujourd'hui, la meilleure définition qu'on peut donner de la vie. Quello che si può dare, la migliore definizione che si può dare della vita ancora oggi, credo sia. C'est celle que donnait dans la première moitié du 19e siècle. Quello che si è stata data nella prima metà del XIX secolo, appunto. Bichat, si ma memoria è buona. Bichat. C'est que la sì, vie. Mi ricordo. C'est que la vie est l'ensemble des puissances qui résistent à la mort. Cioè la vita è l'insieme delle potenze che resistono alla morte. Ouais. C'est très vrai. Mais est-ce que c'est une définition, ça? Parce que la mort, qu'est-ce que c'est, bien sûr, n'est-ce pas? Questa è una definizione, questo è contro la morte. Ça, cette définition veut dire quoi? Que la vie, c'est l'ensemble des puissances, c'est-à-dire tout ce qui fait que... Cioè, significa che appunto la vita è l'insieme delle potenze, sia tutto quello che fa sì che... Le vivant se maintient comme autre que la matière morte. Mantiene altrimenti rispetto alla materia, materia morta. Bon. Alors, de même quand nous parlons de significations imaginaires sociales. Quindi anche quando parliamo delle significazioni immaginarie sociali, on peut pas donner une définition vraiment. Qu'est-ce que c'est? Dare una definizione effettiva di quello che sono. Mais c'est quand même un des traits. Une des caractéristiques enfin, fondamentales. Ma sono tuttavia appunto le caratteristiche fondamentali. Qui différencie le monde social historique du monde animal, par exemple. Che differenziano per esempio il mondo sociale storico da quello animale. Qui ne sont pas réductibles aux déterminations biologiques de l'être humain. Che non sono riducibili alle determinazioni biologiche dell'essere umano. Et qui crée un nouveau mode d'être. E che creano un nuovo modo di essere. Parce que quel est, pensons un peu, par exemple, si on suppose que la signification imaginaire centrale du capitalisme. Pensiamo per esempio se si presuppone che la significazione immaginaria sociale del capitalismo centrale. C'est ce que j'appelle l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle. È quello che definisco l'espansione appunto del controllo illimitata del controllo razionale. Maîtrise c'est plus que contrôle, non? Padronanza. De la domination rationale avec des guillemets. Bon. Secondo le virgolette. Mais quel est le mode d'être de cette signification? Qual è il modo di essere di questa significazione? Ce n'est pas une chose, c'est pas un animal. Non è una cosa, non è un animale. C'est pas un être humain. Non è un essere umano. C'est pas une idée géométrique. Non è un'idea geometrica. Vous ne pouvez pas la définir par des axiomes logiquement. Non si può definire con assiomi logicamente. Et c'est pourtant ce qui pénètre, imbibe. È quello però che penetra, che si invischia, diciamo. Et en un sens oriente et domine. In un senso oriente domina. Toutes les activités humaines dans la société capitaliste. Tutte le attività umane nella società capitalista. Et leur donne leur unité. E gli dà l'unità. Bien sûr, les activités humaines de façon contradictoire et opposée, n'est-ce pas? Naturalmente gli atti umani nel loro modo contraddittorio. Puisque ça c'est ce que le système tend à imposer toujours. Che questo è quello che il sistema tenta di imporre sempre. Et que bien sûr, dans la mesure où il y a lutte dans le capitalisme, la lutte est aussi contre cela. Nella misura in cui esiste una lotta nel capitalismo, la lotta è contro questo. Ma a quel point c'est la signification dominante? Ma a quale punto la significazione è dominante? Le montre le fait que même les exploités et les opprimés. Viene dimostrato dal fatto che anche gli oppressi, gli sfruttati. Si souvent. Tombent sous le coup de cette signification dans leur lutte eux-mêmes. cadono sotto il, diciamo, il colpo di questa significazione stessa nella loro lotta. Et le plus magnifique exemple, bien entendu, c'est le marxisme. Et l'esempio più chiaro è il marxismo. Je ne parle même pas du stalinisme. Non parlo neanche dello stalinismo. Parce qu'en un sens, bon, le projet de Marx lui-même. Perché in un senso lo stesso progetto di Marx. À la fois comme projet théorique et comme projet pratique. Come progetto teorico e pratico. C'est le projet capitaliste. È il progetto capitalista. Comme projet de maîtrise rationnelle universelle. Come progetto di padronanza razionale illimitata. Maîtrise théorique complète de toute l'histoire passée. Padronanza di tutta la storia passata. Puisqu'on connaît maintenant grâce à Marx les lois de cette histoire. Poiché si conoscono grazie a Marx le leggi di questa storia. Et projet à l'avenir d'une sorte de maîtrise rationnelle, d'ailleurs l'expression vous la trouverez chez Marx. Progetto futuro di una padronanza razionale. Des hommes sur leur vie, sur la nature, etc. Degli uomini sulla propria vita, sulla natura, eccetera. Bon, alors, comment est-ce que. Alors, quand tu dis. Ça, c'est le deuxième aspect de la question. Comment est-ce que nous pouvons les penser, je ne sais plus quelle est ton expression. Si c'est des modes différents de l'être. Quelle est la vérification, disons, de la réalité. Oui. Bon. Alors, là encore, en se plaçant au point de vue discursif et contemporain. Ponendosi dal punto di vista discorsivo e contemporaneo. Bon, ça ne nous intéresse pas particulièrement, c'est d'autres problèmes. Si tratta di altri problemi, non ci interessano direttamente. Si nous demandons comment est-ce que nous pouvons dire quelque chose de vrai du monde physique, par exemple. Se ci domandiamo come potremmo dire, per esempio, qualcosa di vero sul mondo fisico. Ou du monde biologique. O di quello biologico. Ce qui est plus important pour nous. Quello che è più importante per noi. C'est comment est-ce que nous pouvons dire quelque chose du monde social historique. E come possiamo dire qualcosa sul mondo sociale storico. Par exemple, comment, en effet, pouvons-nous vérifier ce que nous disons sur notre propre société? Come possiamo appunto verificare quello che diciamo sulla nostra società? Ou encore plus sur des sociétés du passé? O sulle società del passato? Alors, ça c'est, je ne crois pas qu'il y a une réponse. Non credo esista una risposta. Et comment dire, une méthodologie royale. O una metodologia regale, reale. Et, mais je crois que d'abord, il y a deux dimensions, celles que j'ai mentionnées hier. Esistono, quindi, come ho detto ieri, due dimensioni. Que nous devons considérer. Che dobbiamo considerare. Et qui chacune pose des problèmes différents. E ognuna pone problemi diversi. Bon, dans toute société, il y a la dimension identitaire. In tutte le società esiste la dimensione identitaria. La dimension logique. La dimensione logica. Fonctionnelle. Funzionale. Instrumentale. Instrumentale. Bon. Alors, ma thèse. Allora la mia tesi. C'est qu'évidemment, ce n'est qu'une des dimensions de la vie sociale. È che questa non è che una delle dimensioni della vita sociale. Et pour ce qui est de la connaissance d'une société. Per quello che riguarda la conoscenza di una società. La moins importante. La meno importante. Et pourquoi elle est la moins importante? Perché è meno importante? Parce qu'il n'y a pas une instrumentalité transhistorique, par exemple. Perché non esiste una strumentalizzazione o strumentalità transistorica. C'est-à-dire que chaque société. Cioè ogni società. Crée sa propre instrumentalité. Crea questa strumentalità. Et crée son mode d'instrumentalité. E crea il suo modo di strumentalità. Et elle le crée. Sous la dépendance de ses significations imaginaires. Et lo crea dipendendo da, appunto, dalle proprie significazioni immaginarie sociali. Bon, je prends des exemples faciles. Ecco degli esempi facili. Les aliments. il cibo, gli alimenti. Pour aucune société, les aliments ne sont simplement des calories et des protéines. Per nessuna società il cibo, gli alimenti sono semplicemente proteine o calorie. Il y a des valorisations des aliments. Esistono valorizzazioni di questi alimenti. Qui n'ont rien à faire avec leurs propriétés naturelles. Che non hanno nulla a che fare con le loro proprietà naturali. Et il y a des interdictions. Esistono dei divieti. Par exemple, le fait que les juifs et les islamiques ne mangent pas du porc et d'autres choses. Come per esempio i giudei e gli islamici non mangiano. Ça n'a rien à faire avec l'instrumentalité ou la fonctionnalité. Ça non ha nulla a che fare con la funzionalità o la strumentalità. Ou pour prendre un autre exemple qui me vient à l'esprit. O per prendere un altro esempio. La guerre. La guerra. La quantité de batailles, la quantità di battaglie, dans l'histoire qui ont été perdues, nelle storie che si sono perse, parce que le côté qui les a perdues, perché la parte che le aveva perse, ne devrait pas livrer bataille parce que c'était un jour, non avrebbe dovuto appunto dichiarare battaglia perché parce que c'était un jour néfaste, un giorno nefasto. Ou parce que les augures n'avaient pas donné les bonnes prédictions. Perché non c'erano state delle buone predizioni. Ou tout simplement parce que l'aile gauche, c'est l'aile mauvaise. Perché semplicemente l'ala sinistra è l'ala cattiva. Et qu'il y a soi-disant une différence qualitative entre l'aile droite et l'aile gauche d'une armée. E che c'è per esempio una differenza qualitativa tra l'ala sinistra e l'ala destra di un esercito. Bon. Toutes choses qui n'ont aucune réalité. Cose che non hanno realtà. Même si on essaye, comme le font les historiens positivistes. Anche se si cerca, come lo fanno gli storici positivisti. De les interpréter. D'interpretarle. De façon instrumentale. In modo strumentale. Et ben, ce nombre de batailles est tout à fait considérable. Certe appunto battaglie sono per certe battaglie questi elementi sono appunto importanti. Bon, cela dit, cette dimension instrumentale ou logique ou arithmétique existe toujours. Questa dimensione strumentale logica esiste tuttora. Et nous pouvons et devons toujours, bien sûr. Possiamo e dobbiamo sempre quindi l'établir avec la plus grande précision, rigueur, exactitude possible. Stabilirla con la più grande rigore e esattezza possibile. Et il y a l'autre dimension. Esiste poi un'altra dimensione. Qui sont les significations? Qui est la dimension immaginaire proprement dite? Che è la dimensione immaginaria, quella delle significazioni immaginarie. Bon, alors comment nous pouvons accéder à cela? Come possiamo accedere a questa dimensione? Mais il y a déjà une voie. Esiste già un punto di vista? Si on considère la société comme un simple système fonctionnel instrumental. Se si considera la società come un semplice sistema strumentale e funzionale. Ce qu'on voit, c'est que le système. Si vede che il sistema. Fonctionne toujours. Funziona sempre. Plus ou moins fonctionne, mais enfin fonctionne quand même. Funziona più o meno, però funziona sempre. En vue de certaines finalités. Per certe finalità, in funzione di certe finalità. Bon, bien entendu, la première de toutes les finalités, c'est la conservation du système. Naturalmente la prima di queste finalità è la conservazione del sistema stesso. Et là aussi il y a la dimension, disons, de la simple répétition. Esiste qua quindi anche la dimensione della semplice ripetizione. Mais il n'y a pas que la conservation du système. Ma non c'è soltanto la conservazione del sistema. On peut dire que chaque système social a une sorte de poussée. Si può dire che ogni sistema sociale ha una specie di spinta interiore. C'est-à-dire des choses qu'il essaye de réaliser. Cioè cose che cerca di realizzare. Et ces choses, on peut les diagnostiquer. E queste cose possono essere diagnosticate. Bon, par exemple, dans la société capitaliste. Per esempio nella società capitalista. C'est vrai que si on la considère, bon, disons un peu comme un type idéal de société. È vero che se la considera come un tipo ideale di società. Idéal au sens, oui, au sens de Max Weber, non pas que ce soit une société idéale. Nel nel senso di Max Weber, non che sia in realtà. C'est-à-dire, si on considère dans la société capitaliste ce qui vraiment correspond au capitalisme là-dedans. Si, si considera appunto in questa società quello che effettivamente corrisponde al capitalismo nel suo interno. Eh bien, on voit qu'en effet tout fonctionne là-dedans, dans la mesure où ça fonctionne. Si vede che tutto funziona, certamente nella misura in cui tutto può funzionare. En vue de certaines finalités. Per certe finalità. Alors bien entendu, parmi ces finalités, il y a la conservation du système. Naturalmente tra queste finalità c'è la conservazione del sistema. Donc aussi dans la mesure où le système est conflictuel et antagonique. Quindi anche nella misura in cui il sistema è conflittuale, antagonico. Une des finalités du système, c'est d'une façon ou d'une autre. Una delle finalità del sistema è quella in un modo o nell'altro. D'obliger la partie de la société qui s'y oppose. Di obbligare la parte della società che si oppone. A rester à sa place. A rimanere al suo posto. Ou même à fonctionner dans les finalités du système. O a funzionare nelle finalità del sistema. Mais il y a plus. Ma c'è ancora più. Alors, en vue de quoi fonctionne le capitalisme? Per che cosa funziona il capitalismo? In vista bon, di cosa? Ça c'est pas très difficile à voir, n'est-ce pas? Non è difficile da vedere. Bon, et ça, Marx et Max Weber l'avaient vu, c'est vrai. C'est Marx l'appelait l'accumulation indéfinie des forces productives. Marx la definiva appunto l'accumulazione indefinita delle forze di produzione. Mais il n'y a pas que les forces de production. Ma non esistono solo le forze di produzione. Bon, et si on voit vraiment la chose, je crois. E se si vede veramente la cosa. C'est ce que j'appelle l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle, soi-disant. È appunto l'espansione illimitata della padronanza razionale illimitata. Qui devient une espèce de fin en soi, de fin pour elle-même. Che diventa appunto qualcosa che si fa in se stessa, per se stessa. Et à ce moment-là, par exemple, décroche tout à fait des considérations du profit économique. E va al di là appunto di qualsiasi tipo di considerazione del profitto economico. Il faut absolument dominer, réguler rationnellement, etc. Que ça rapporte du profit ou que ça rapporte pas du profit, c'est pas la question. Occorre dominare in ogni caso, ci sia profitto o meno, non importa. C'est devenu vraiment l'esprit du système. Questo è lo spirito del sistema. Et bien entendu, cette finalité elle-même. Naturalmente questa stessa finalità. Ne sert à rien. Non serve a nulla. Elle est absolument arbitraire, è arbitraria. Moment, n'est-ce pas? Et cette rationalité, bien sûr, n'est pas une rationalité. E naturalmente questa razionalità non è razionalità. Et même si elle était vraiment rationalité. E anche se fosse effettivamente razionalità. La question resterait toujours ouverte. Rimarrebbe sempre aperto il problema. Et pourquoi diable toute la vie de la société devrait être subordonnée à la rationalité? Perché appunto tutta la vita razionale della società dovrebbe essere tutta la vita della società dovrebbe essere subordinata alla razionalità. Bon, alors là c'est relativement facile parce que ça fait maintenant deux siècles que nous sommes dans ce bouillon. Questo risulta facile perché ormai sono due secoli che ci viviamo in questa zuppa. Et que bon, il y a eu toutes les analyses et que nous savons et que nous pouvons aller plus loin. Ci sono state appunto varie analisi e si può andare oltre. Mais bon, dans le cas des sociétés du passé, c'est bien sûr plus difficile. Naturalmente nel caso delle società passate è molto più complesso. Mais là encore, nous arrivons à voir dans la façon dont chaque société fonctionne. Ma ancora qui possiamo vedere che il modo in cui funzionano queste società. Ce qui pour elle est décisif comme aboutissement de son fonctionnement. Quello che per loro è decisivo per poter raggiungere appunto per poter far funzionare questa società. Et ce qui ne l'est pas. È che ce qui n'est pas. Oui, ce qui ne l'est pas. Non è, che non lo è appunto. Et alors là, on voit au moins une partie de ce qui est les significations imaginaires de cette société. Si può vedere quindi in parte cosa sono appunto queste significazioni immaginarie sociali. Bon, prenez les Hébreux classiques, les Hébreux de l'Ancien Testament. Prendete per esempio gli ebrei classici dell'Antico Testamento. On voit l'énorme importance qu'a évidemment. Si vede l'enorme importanza, per esempio, che ha. Cette religion-là est en particulier cette signification imaginaire centrale d'un dieu comme Jéhovah, enfin Javé. Questa religione appunto significazione immaginaria centrale di Dio come Geova. Bon. Mais il n'y a pas que cela, et c'est là que ça devient plus difficile. Ma non c'è solo questo, diventa ancora più complesso. Parce que jusque-là, nous tenons encore un bout de quelque chose qui est relativement descriptible en termes logiques. Perché ancora si può, diciamo, tentare di descrivere qualche cosa a livello logico. Si je parle de fonctionnement et de finalité de fonctionnement, c'est encore des choses saisissables. Perché se parlo di funzionamento, appunto, sono cose ancora comprensibili. Mais il y a, bon, dans, je sais pas, encore une fois, dans le monde hébreu classique. Ma c'è nel mondo ebreo classico, per esempio. Dans le monde grec ancien, absolument. Nel mondo greco antico, sicuramente. Ou romain, d'ailleurs. O romano. Ou dans le monde du Moyen-Âge en Europe. O nel mondo del Medioevo in Europa. Il n'y a pas seulement cette finalité du fonctionnement. Non esiste soltanto la finalità del funzionamento. Il y a tout ce que j'ai appelé hier l'organisation du monde qu'établit cette société. C'è l'organizzazione del mondo che viene stabilita da questa società. Et là, chaque fois, c'est un travail concret. E ogni volta questo è un lavoro concreto. Par exemple, si on considère le monde grec classique. Se si considera, per esempio, il mondo greco antico, classico. Il y a toute une position imaginaire. Esiste una posizione immaginaria de qu'est-ce que c'est l'être humain et sa place dans le monde, di quello che è l'essere umano e il suo posto nel mondo, qui est tout à fait différente de ce qui est venu après, che è completamente diversa rispetto a quello che è successo dopo, et qui est le propre de la position grecque ancienne, che è la vera propria posizione della posizione greca antica. Et qui, à mon avis, a une liaison tout à fait profonde. Qui a un legame assolutamente profondo. Avec le fait que c'est quand même en Grèce qu'il y a eu pour la première fois la démocratie ou la tentative pour une démocratie et la recherche philosophique. Che appunto in Grecia che c'è stato il primo tentativo di democrazia appunto della ricerca. Alors comment est-ce qu'on peut voir cette vue imaginaire du monde et de l'homme dans le monde? Come si può vedere questa visione immaginaria dell'uomo e dell'uomo nel mondo? Bon, il y a les textes. Esistono i testi. Il y a l'histoire, les actes des hommes. La storia, gli atti degli uomini. Et on peut essayer de restituer, de reconstituer. Si può cercare di restituire, di ricostituire. Cet univers-là. Questo universo. Mais alors là, il y a donc, à mon avis, quelque chose qui est possible. C'è quindi qualcosa, a mio avviso, che è possibile. Extrêmement difficile parce que évidemment toujours il y a, disons, l'ethnocentrisme. Impossibile, difficile, difficile. Perché c'è sempre appunto questo etnocentrismo. C'est ce que je disais hier sur les interprétations successives de la Grèce. Quello che dicevo ieri appunto delle interpretazioni successive che ci sono state della Grecia antica. Etnocentrique. Etnocentriche. Parce que la Renaissance voyait les Grecs d'une certaine façon. Perché il Rinascimento vedeva la Grecia come in un certo modo particolare. Et la France de Louis XIV et du palais de Versailles voyait les Grecs d'une autre façon. E la Francia di Luigi XIV e del palazzo di Versailles la vedevano in un altro modo. Et les romantiques allemands les voyaient d'une autre façon. I romantici tedeschi in un altro modo ancora. Et puis aujourd'hui on peut les voir peut-être d'une autre façon encore. E oggi ancora in un altro modo. Donc là il faut se méfier bien sûr. Naturalmente allora in questo caso occorre non fidarsi. Mais je crois qu'il y a une possibilité d'accès. Ma credo che ci sia in questo modo una possibilità di accesso. À partir du moment simplement où on accepte. A partire dal momento in cui si accetta. Que le but du travail. Che lo scopo della ricerca del lavoro. C'est essayer de comprendre. E cercare di capire. Ces significations. Queste significazioni. Telles que cette société les avait créées et vécues. Così come quella società le aveva vissute e create. Et qu'on veut rester fidèle à ce projet. E che si vuole restare fedeli a questo progetto. Come è possibile? Hein? Come è possibile che nous, che si riesca proprio noi con un immaginario, cioè avremo sempre una rappresentazione di quella realtà secondo quelle che sono temi centrali del nostro immaginario. Quindi, se i, se i romani antichi o se i romantici tedeschi o il Palazzo di Versailles avevano un'interpretazione del mondo greco, era perché quella era la rappresentazione che avevano del mondo greco, no? Ma anche noi non possiamo, credo, uscire da questo schema, cioè che anche il nostro modo di rappresentarci la società greca è legata al nostro immaginario sociale attuale. Quindi, certo, com'è possibile arrivare a questo problema di comprendere realmente poi quali sono i meccanismi della società? Bon. Allora, très bonne question. Il est évident que nous ne pouvons jamais démontrer. È chiaro che non potremo mai dimostrare que ce que nous dirions par exemple du monde grec, che quello che diremo per esempio del mondo greco, est totalement non influencé. Non è completamente influenzato par notre propre position. Dalla nostra stessa posizione. Mais nous n'avons pas besoin de le dire. Ma non occorre dirlo. Pourquoi? Perché? Parce que nous ne faisons pas de la physique. Perché non facciamo della fisica. La question. Il punto. Qu'est-ce que je peux dire des phénomènes physiques? Cosa posso dire dei fenomeni fisici? Qui soient tout à fait indépendants. Che sono completamente indipendenti, che siano, de la position de l'observateur, della posizione dell'osservatore, du fait qu'il est blanc ou noir, per esempio che sia bianco o nero, qui fait ses expériences à Milan ou à Melbourne, ou à Auckland, che fa le sue esperienze a Milano, a Melbourne o a Auckland, qu'il est dans, dans un système de coordonnées qui est en mouvement simple ou en mouvement accéléré par rapport à d'autres systèmes. Si trova in un movimento accelerato rispetto ad altri sistemi, in un sistema di coordinate. Ça, c'est l'idéal du savoir exact dans le domaine physique. Questo è l'ideale del sapere esatto nel campo fisico. Ça n'a pas de sens dans le monde humain. Non ha senso nel mondo umano. Parce que toujours celui qui parlera. Perché è sempre colui che parlerà. Comme il ne s'agit pas de faire des mesures. Perché non si tratta di fare misure, ma di interpretare e di comprendere, ma di interpretare e di capire, interpreterà e comprendrà necessariamente, interpreterà e capirà necessariamente, a partire de ses propres schemes d'interprétation, a partire dalle proprie catene di interpretazione. C'est une tautologia. È una tautologia. Et le reste n'existe pas dans le monde social historique, ne peut pas exister. Il resto non esiste Momento. Nel mondo sociale storico, non può esistere. Ne peut pas exister. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence là-dedans. Ciò non significa che non esiste una differenza. Mais ces différences, bon, est-ce qu'il y a une différence? Ma questa differenza, cioè c'è una differenza? Entre Spinoza, Kant, Aristote, Hegel, d'un côté. Spinoza, Kant, Aristotele, Hegel, da una parte. E Alberoni, dell'altro. Alberoni, dall'altra. Moi, je dis qu'il y a une différence. Bon, est-ce que vous pouvez la démontrer mathématiquement, cette différence? Bon. Si può dimostrare matematicamente. Est-ce qu'il y a une différence entre, je ne sais pas quoi, Monteverdi, Bach, Mozart? C'è una differenza tra Monteverdi, Bach e Mozart. Et je ne sais pas qui, enfin, Bizet et Donizetti. Bizet et Donizetti. Il y a une différence. Bon. Esiste. Vous ne pouvez pas la démontrer. Non si può dimostrare. Eh bien, il y a une différence de ce type. Esiste quindi una differenza di questo tipo? Entre disons, je ne sais pas, moi, Max Weber ou Tocqueville, ou même Marx lui-même quand il fait de l'histoire. Tra Max Weber, Tocqueville et Marx stesso quando fa della storia. Thucydide ou je ne sais pas quoi, et Bernard-Henri Lévy. Et Bernard Lévy. C'est-à-dire Bernard-Henri Lévy, il a ses petites idées dans la tête. Ha le sue idee nella testa. Idées qui sont minables en elles-mêmes déjà. Idées qui sont déjà en elles-mêmes minables, lamentables. Déjà, appunto, contestables. Même pas contestables. Bon. Et il les plaque sur le passé. Et les mette sul passato. Il se pose pas de questions, il se critique pas. Non si critica, non si pone problemi. Bon, et là, c'est pour ça que la compréhension du passé ou d'une autre société, bon, c'est une entreprise difficile. Ecco perché è difficile capire il passato di un'altra società. Qu'on peut discuter toujours une interprétation, c'est jamais terminé. Si può sempre discutere un'interpretazione, non è mai finito. Mais que quand même, je pense, on peut accéder à quelque chose. Ma non so se è possibile accedere a qualche cosa. Alors je voudrais donner un ou deux exemples, mais je les donnerai, mais je crois que le camarade voulait poser une question. Se noi diciamo che la conoscenza della società non è mai esatta, perché non è possibile determinare una conoscenza del sociale se non se non filtrata da quelle che sono appunto le conoscenze, l'immaginario di ciascuno, i modi di concepire di ciascuno e così via. Ho paura che si possa legittimare qualunque concezione della società. Cioè voglio dire, se noi diciamo che qualunque modo di pensare alla società è legittimo in quanto non c'è differenza appunto tra il modo di pensare alla società di Lettere e il modo di pensare alla società di Papa Giovanni Paolo II, in quanto entrambi, no, sono filtrati da un immaginario sociale e quindi entrambi sono legittimi e entrambi riflettono la realtà epistemologica del sociale, allora noi ci precludiamo qualunque possibilità di conoscenza del sociale e diamo legittimazione a qualunque cazzata che uno si può, che possa un giorno sostenere rispetto alla società. Cioè, voglio dire, qual è la differenza tra Giovanni Paolo II che ci viene a dire delle cose che non lo so, appunto, Max Weber o Castoriadis che ci dice delle altre? E ci deve essere un criterio in qualche modo che ci dia, non dico la verità assoluta, ma delle verità, delle possibilità di verifica, altrimenti non siamo completamente, cioè ci precludiamo qualunque possibilità di comprensione. Oppure ce l'abbiamo tutte. Ma ce l'abbiamo tutte, però avendoci tutte significa che non ce l'abbiamo nessuno. E qu'est-ce que tu as dit, Luciano? J'ai pas compris. On les a tutte. On les a tutte. Ce le abbiamo tutte. Le abbiamo tutte che, le lesquelles? Le possibilità di conoscenza della società. Je comprends pas. Non capisco. Alors il a dit, nous. Non, j'ai compris ce qu'a dit le camarade. Et il a dit, alors. Je comprends pas l'intervention de Luciano. Toutes les possibilités de connaissance de la société. Ce qu'il dit, on ne peut pas les avoir, il dit, on les peut avoir tous. Non. Et, je crois qu'il y a une première chose. Credo che ci sia una prima cosa. C'est qu'on ne peut pas dire n'importe quelle cazzata, comme tu disais. Perché non è possibile dire qualsiasi cazzata. Bon, c'est-à-dire, on peut la dire, on l'a dit, d'ailleurs, encore une fois, je citais Lévi qui dit des cazzate, bon. La si può dire, non? Mais on le voit que c'est des cazzate, on le voit tout de suite. Ma lo si vede subito. Et on peut le montrer. E lo si può dimostrare. C'est-à-dire, on peut montrer que le type ne comprend pas telle chose. Si può dimostrare che l'individuo non capisce una cosa. Surtout, et c'est ça le grand élément, qu'il laisse de côté. E cioè che lascia da parte tutta una serie d'aspetti dell'objet, tutta una serie degli aspetti dell'oggetto qui ne colle pas avec son interprétation, che non si identificano con la sua interpretazione. C'est-à-dire, si nous disons, nous essayons de comprendre, par exemple, puisqu'on est sur cet exemple, le monde grec, se si cerca per esempio di capire, per esempio, il mondo greco, eh bien, il y a déjà un test, est-ce que l'interprétation qu'on propose, e c'è già appunto un test, che è l'interpretazione che si propone, couvre. Ci si può chiedere appunto se questa copre tous les aspects de l'objet ou enfin les aspects importants de l'objet. Tutti gli aspetti, ce qu'on sait de l'objet. Importanti dell'oggetto, quello che si sa effettivamente di questo oggetto. Ou est-ce qu'elle laisse de côté tout ce qui la gêne? O se lascia da parte tutto quello che le può nuocere. Alors, ça c'est le premier point. Questo è il primo punto. Mais le deuxième point. Il secondo. C'est que, en effet, finalement, et que in realtà, nous devons assumer ce fait. Dobbiamo assumere questo fatto. que nous n'avons pas dans le domaine social historique. Che non abbiamo nel campo socio storico. Comment dire, la possibilité d'un savoir objectif. La possibilità di un sapere obiettivo. Au sens encore une fois où la mathématique ou la physique essaye de l'avoir. Nel senso in cui per esempio cercano di fare la matematica o la fisica. Que nous ne pouvons pas l'avoir. Non possiamo averlo. Et que ce serait absolument terrible si on pouvait l'avoir. E sarebbe terribile se si potesse avere. Parce qu'il faut voir ce que ça veut dire. Perché occorre verificare ciò che significa. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une science objective. Significa che potrebbe esistere una scienza obiettiva. De la société et de l'histoire. Della società e della storia. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il y aurait une seule opinion. Significherebbe che ci sarebbe un'unica opinione. Qui s'imposerait catégoriquement. Che si imporrebbe categoricamente. Et qui vous dirait voilà le sens du passé. E che vi direbbe questo il senso del passato. Voilà le sens du présent. E il senso del presente. Et bien sûr voilà le sens de l'avenir. E naturalmente anche il senso del futuro. Donc le sens de tout. Donc le sens de tout. Quindi senso di tutto. Et donc vous auriez encore une fois comme vous voudrez dans le langage noble. Nella lingua nobile. Le philosophe roi. Il filosofo re. Et dans le langage réel de la politique de la réalité vulgaire. Nel linguaggio reale della politica vulgare. Le comité central et la commission idéologique du comité central. Il comitato centrale e la commissione ideologica. Hein? Ou le gouvernement des prêtres. Alors, il faut comprendre précisément que et je crois. Occorre capire precisamente, credo. Et je crois que c'est ça un des grands apports. Che sia questo uno dei grandi apporti. De la démocratie grecque au monde. Della democrazia greca al mondo. Et c'est là qu'on voit comment Platon est venu. E è là che si vede come Platone è venuto comme philosophe, come filosofo pour occulter ce grand apport, per occultare questo grande apporto appunto. C'est qu'il est évident pour les Grecs anciens, è che è evidente appunto per i greci antichi, qu'il n'y a pas d'épistémé des choses politiques, che non esiste l'epistema delle cose politiche, que la un problema connesso appunto con l'epistemologia della conoscenza della società e un altro problema sotto un'altra forma. Voilà. Ma se ho ben capito, è possibile dimostrare soltanto la testata, cioè è possibile dimostrare soltanto quando si dice che non è vero. Sì. Ma non è possibile dimostrare quando si afferma che è vero. Se la falsificabilità del potere. Cioè la certezza si raggiunge soltanto nella critica al negativo, ma la conoscenza ha bisogno, per essere tale, di certezze anche che affermano. Nel senso, come posso capire una società se il mio metro di misura della certezza è soltanto che non dico delle cazzate? Io, per avere una forma di certezza, devo anche affermare non tanto le cazzate, esattamente ciò che mi dà un punto di riferimento della realtà. Allora il criterio, secondo me, è totalmente insufficiente se si basa soltanto nel dire non devo dire cazzate. Perché devo anche poter affermare, altrimenti non dico nulla. Il ne suffit pas de pouvoir démontrer que quelque chose est fausse, il faudrait pouvoir montrer que quelque chose est vrai. Et donc, il dit comment comprendre la société si on ne peut pas affirmer ce qui est valide en réalité. Donc, ce critère n'est pas valide parce que, comme il a dit avant, il doit pouvoir affirmer même ce qui est positif, disons. Tu veux parler là-dessus ? Précisément. Je dis, le discours dit. Il poter dire questa è una cazzata è estremamente riduttivo, perché dire una cosa è una cazzata quando nell'ambito di un sistema di pensiero non entra, non, cioè è un'illogicità rispetto a un sistema di pensiero. Io ho detto una cazzata quando rispetto alle cose che ho detto prima entro in contraddizioni. Però ci può essere un sistema perfettamente logico al suo interno. Prendiamo ad esempio la Summa Teologica di San Tommaso, un sistema perfettamente costruito, il quale non c'è una cazzata nella Summa Teologica, non c'è una cazzata, perfetto, che però non ha alcuna corrispondenza, o ne ha pochissime con la realtà, chiaro? Chiaro? Quindi il discorso della cazzata non ci dice niente, ci dice molto poco. Perché? Quando è che noi incominciamo a capire qualcosa delle società? Quando incominciamo a pensare che rispetto alla verità di un'affermazione ci vuole una qualche corrispondenza, una qualche verificazione empirica. Non voglio dire che noi possiamo raggiungere nella società il sapere assoluto che possiamo raggiungere nella fisica. Non voglio dire questo, non lo credo assolutamente, è terribile, sono d'accordissimo. Però ritengo che un qualche sapere, un qualche modesto criterio di verifica per discernere un tipo di affermazione da un altro tipo di affermazione, gradi di corrispondenza a una realtà che permane, ci deve essere e c'è, altrimenti finiamo sempre per legittimare qualunque cosa. Giovanni Paolo II non dice cazzate, dice delle cose logicamente corrette nel suo sistema di pensiero. Non dice cazzate. Allora deve avere un criterio. Cioè, questo è un criterio rispetto alla realtà. Ci deve essere un qualcosa che ti dice va bene o non va bene, è reale o non è reale, altrimenti tutto è reale, il che significa praticamente che legittimi tutto, tutto è giusto, tutto è conoscenza. Cioè, conoscenza quella dell'oroscopo ed è conoscenza di quello che meno male, non lo so, va e vede. Constata di fatto un fatto, una realtà. Non dico che questo sia paragonabile alla fisica. Massimo, je pense, bon, premièrement, que tu continues à utiliser deux catégories dissociant la réalité et la signification. Deux choses qui sont des catégories déjà faites. L'adéquation de l'une à l'autre donne la possibilité de la vérité. Mais, à mon avis, ce que je voudrais dire, c'est que si on entre dans cette discussion, on est un peu en dehors du problème. Parce que c'est un problème vieux comme le monde, le problème de la vérité, de l'adéquation entre les concepts et les référents, ce concept de la loi, c'est tout un problème lié à ce mais qui nous amène à des considérations philosophiques un peu traditionnelles. Ce n'est pas pour fermer la réponse que je vais donner. Mais moi je pense, en tout cas pour moi, il y a une autre quantité de choses qui sont très, très compliquées, qui posent beaucoup de problèmes. Je voudrais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je voudrais dire par exemple trois problèmes qui, à mon avis, important, et après tu pourras choisir les choses les plus intéressantes. Mais moi j'ai retenu deux choses qui sont des problèmes qui me touchent directement. Est-ce que vous traduisez et vous continuez? Je prends des notes. Oui, je prends des notes et puis je prends. D'accord. Bon, ces trois problèmes sont les suivants. Ils sont d'un ordre tout à fait différent. Le premier, c'est, ça m'étonne un petit peu que tu n'utilises pas de façon habituelle, en tout cas, le concept du fantasme. Parce que, à mon avis, c'est ça qui permet l'articulation entre le monde des significations imaginaires centrales, c'est aussi le monde mythique, on va dire d'une autre façon, et l'insertion individuelle qui en même temps construit l'individu dans ce monde. C'est un premier problème. L'autre problème, c'est l'autre chose, très différente, c'est les significations imaginaires centrales qui n'ont pas de référent, parce qu'ils construisent son propre référent. Or donc, un type de société. Je pense qu'une signification imaginaire centrale dans notre société plus importante que le capitalisme, c'est l'État. Que cette construction de l'État, qui touche le problème de la domination, le problème du pouvoir, il y a aussi une certaine matérialité du social, matérialité entre guillemets, c'est-à-dire une matérialité pour laquelle dans la société il n'y a pas d'adéquation entre les significations conscientes et une autre réalité qui est de l'ordre d'une quotidianité qui échappe à ces significations habituelles, c'est-à-dire le problème de l'animation, de l'idéologie, de la réplication. Et le troisième problème, et ça c'est une autre chose tout à fait étonnante, c'est que moi je ne suis pas convaincu, ça me pose beaucoup de problèmes, d'essayer de voir que dans l'histoire occidentale, il y a deux cassures. La police grecque et le siècle deuxième siècle. Pour le dire simplement. Je suppose que j'ai tendance à penser qu'il y a que les choses sont beaucoup plus complexes et qu'il y a une multiplicité de cassures qui reprend les unes ce qui était dit dans notre moment, il le reprend, il le reconduit d'une autre façon et cette dimension du problème pose dans l'attitude moderne de la société tout le problème, à mon avis, tout le problème de la révolution. C'est-à-dire un changement social qui s'appuie sur les qualitatives, sur une dimension imaginaire autre. L'altérité utopique. La base de l'idée révolutionnaire. Bon, tu vois que là. Oui, Allora, questa è ancora la domanda prima. Allora, diceva che reputa che se si discute appunto come faceva lui, si va al di fuori del problema, poiché il problema della verità appunto è un problema vecchio come il mondo, tra la differenza tra il concetto e il referente. Ma i problemi sono problemi che si collegano a quella che è la filosofia tradizionale. Invece per lui esiste un'altra quantità, tantissime cose che sono molto più complesse. C'erano tre punti che appunto l'hanno colpito durante la discussione, che per lui sono importanti, e sono tre punti diversi. Il primo, che appunto non si può utilizzare il concetto del fantasma. Perché lui non utilizza appunto i concetti del fantasma, poiché ciò permette appunto l'articolazione di un mondo immaginario centrale e anche l'inserimento da parte dei singoli individui in questo mondo di altre appunto significazioni immaginarie. Il secondo è che le significazioni immaginarie centrali non hanno un referente, perché lo costruiscono loro, se lo autofanno, e ordinano però in questo modo un certo tipo di società. Per esempio, nel capitalismo la significazione immaginaria centrale più importante è lo Stato, che è legato a una serie di concetti come il potere, eccetera, ma soprattutto a quella che è la materialità del sociale, per la quale nella società non esiste un adeguamento tra appunto i significati immaginari centrali e l'ordine della realtà, che può essere ideologia, eccetera. Parte delle significazioni immaginarie centrali, ma anche se chi è la parte consciente, se ci sono le ideologie. Ma appunto non la, sì, je dis l'ordre du réel, sì, la parte cosciente appunto che sono ideologie. Il terzo punto è appunto che non è convinto che nella storia occidentale ci siano state soltanto due rotture, come diceva ieri sera, una è stata quella della polis greca e l'altra quella del XII secolo, ossia secondo lui sono più le rotture che in fondo riprendono quello che era già stato detto, no? E quindi questa dimensione del problema pone lo stesso problema della rivoluzione, di un cambio effettivo della società che appunto si appoggia, che è sostenuto dalla qualità, diciamo, appunto della società stessa, e quindi sulla differenza, sull'alterità, così come l'ha definita lui, appunto della società stessa. Quindi è il problema della rivoluzione che viene coinvolto. Bien, bon, toutes ces questions sont très importantes, mais je voudrais d'abord finir avec le problème tout à l'heure et la question que vous avez posée. Bon, bien entendu, Saint Thomas ou Jean-Paul II ne disent pas simplement des bêtises. Naturellement, Saint Thomas ou Giovanni Paolo II non dicono stupidaggini. Solo. Oui, simplement des bêtises. Mais enfin, disons même qu'ils disent aucune bêtise. Diciamo anche che non dicono appunto assolutamente, secondo il loro sistema, delle sciocchezze. Mais c'est un système. Ma si tratta di un sistema. Ils disent pas des bêtises parce que ce qu'ils disent dans le détail. Non dicono sciocchezze perché ciò che dicono in dettaglio corrisponde a ce qu'on peut appeler les postulats, les axiomes, les hypothèses de ce système. Corrispondono ai postulati, agli assiomi, alle ipotesi di questo sistema. Bon, ces axiomes, ces postulats, on peut les dégager. Questi assiomi, questi postulati si possono verificare. Pas verificare, dégager. Trarre da questa. Da questa les expliciter. Sistema, oui, esplicitarli. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, on peut dire voilà. Et a questo punto si può dire ecco. Il y a un point de vue. Esiste un punto di vista. Qui, par exemple, et c'est le cas d'ailleurs dans les deux. Che per esempio è il caso di entrambi. Postule qu'il y a une vérité révélée. Postulano che esiste una realtà rivelata. La verità. Una verità rivelata. Bon. Alors, en un sens, on ne peut pas réfuter géométriquement l'idée d'une vérité révélée. Naturalmente non si può rifiutare quella che appunto la. Geometricamente. Geometricamente quello che postula. Mais on peut dire, bon, ceux parmi vous qui croient à une vérité révélée, d'accord, vous allez avec Jean-Paul II, nous n'y peut rien. Si può semplicemente dire coloro che ci credono si schierino con Giovanni Paolo. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout le reste de notre expérience dans cette élaboration-là qu'on vous propose. In questa elaborazione che vi propone si può dire che la nostra esperienza montre qu'il n'y a pas de vérité révélée. Dimostra che non esiste una verità rivelata. Que le système qu'on construit à partir de cette vérité révélée. Che il sistema che si costruisce a partire da questa verità rivelata ne rend quand même pas vraiment compte de tout ce qu'on a dans notre expérience. Non rende conto di tutto quello che esiste nella nostra esperienza. Et aussi qu'il aboutit à de telles conséquences et conclusions pratiques. E che porta a determinate appunto conseguenze pratiche. Non, je crois qu'il ne faut quand même pas. Credo che non occorre. Comment dire, absolutiser comme ça la discussion entre le non vrai et le vrai. Assolutizzare in questo modo la discussione tra il non vero e il vero. Quand il s'agit d'une recherche réelle, concrète. Quando si tratta di una ricerca reale, concreta. Je crois qu'on voit assez bien que les choses ne sont pas comme ça. Si vede che le cose non sono così in realtà. Bon, je vais prendre un petit exemple, c'est celui qui me vient à l'esprit. Vi farò un esempio, mi viene in mente. On parle toujours du monde grec ancien. Si parla sempre del mondo greco antico. Bon, il existe un écrit d'Aristote. Esiste uno scritto di Aristotele. Qui s'appelle en grec. Che in greco si chiama. Le titre est sur le papyrus. Il titolo è sul. Come? Le papyrus. Sul. Papyrus. Il papyrus. Athenaion Politeia. Vous avez compris. Et bon, le papyrus est découvert vers 1880. Il papiro rosso venne scoperto verso quelle date? 1880. Et il y a toute l'Europe, il y a des professeurs d'université très savants. In tutta Europa ci sono dei professori universitari molto sapienti. Des philologues très très forts. Filologi molto importanti. Bon, ça fait un siècle maintenant. È ora già un secolo. La traduction de ce titre. Che la traduzione di questo titolo. C'est la Constitution en français, par exemple. La Constitution, la Constitution d'Athènes. Di Atene. Bon, ça c'est une erreur. D'abord avec laquelle on mettrait zéro à un étudiant. Comment? On mettrait zéro ah, à un étudiant. È un errore che appunto farebbe mettere zero a uno studente. Parce que le titre ne dit pas la Constitution d'Athènes. Perché il titolo non corrispondeva alla Costituzione di Atene. Mais la Constitution des Athéniens. Ma la Costituzione degli Ateniesi. Tout le monde social historique s'ouvre sur cette question. Tutto il mondo sociale storico si apre su questo problema. Les grands philologues, professeurs d'université d'Allemagne, d'Italie, de France, d'Angleterre. I grandi filologi universitari della Germania, della Francia, eccetera. Ils sont tellement plongés. Sono talmente immersi. Dans la conception territoriale de l'État. Nella concezione territoriale dello Stato. Qui n'existe qu'à partir, bien entendu, du monde féodal. Esiste a partire dal mondo feudale, naturalmente. Dans Shakespeare. In Shakespeare. Quand Antoine parle à Cléopâtre. Quando Antonio parla a Cleopatra. Il l'appelle Égypte. La chiama Egitto. Egypt. Egypt. Les rois de France dans Shakespeare. I re francesi in Shakespeare. C'est France. È France. C'est pas Henri, France. C'est pas Ludovic, c'est France. Enrico, Ludovico, ma è Francia. Et évidemment, les nobles. Et dans Saint-Simon, s'appellent l'un l'autre par leur nom. In Saint-Simon si chiamano Châtellerault. Con loro nome. Châtellerault. Châtellerault. Mais c'est pas un nom de personne. Che non è appunto un nome di persona. C'est un nom de fief territorial. Ma un nome di feudo territoriale. Ça, c'est la signification imaginaire de l'État. Questa è la significazione immaginaria dello Stato. Comme absolument dépendant d'une territorialité. Che dipende assolutamente da una territorialità. Qui est la signification imaginaire moderne héritée du monde féodal. Che è la significazione immaginaria sociale moderna ereditata dal mondo feudale. Qui n'a rien à faire avec la conception grecque. Che non ha nulla a che fare con la concezione greca. Aristote parle de la constitution des Athéniens et non pas d'Athènes. Aristotele parla della costituzione degli Ateniesi e non quella di Atene. Il n'y a pas de concept juridique d'Athènes ou de Sparte en Grèce ancienne. Non esiste concetto giuridico di Atene e Sparte. Les traités ne sont pas faits par Athènes et par Sparte. I trattati non vengono fatti da Atene o Sparta. Les traités sont faits par les Athéniens et les Lacédémoniens. I trattati vengono fatti dagli Ateniesi, dagli Lacedemoni. Tucidide ne parle jamais d'Athènes et de Sparte. Non si parla mai di Atene o di Sparta. Il parle des Athéniens et des Lacédémoniens. Si parla appunto degli Ateniesi. Bon, ça c'est pas la réfutation du nom vrai. Questo non è appunto rifutare il non vero. C'est le vrai qui sort là. C'est-à-dire quoi? Une signification imaginaire de la communauté politique. Una significazione immaginaria della comunità politica. De l'entité politique, de l'entità politica, comme une communauté d'êtres vivants et non pas un territoire, come comunità di esseri viventi e non territorio, et non pas une propriété sur un territoire, bien que la propriété existe et soit connue, bien sûr. Il nome della proprietà, appunto, anche se era conosciuta all'epoca. Alors, quand est-ce que moi j'ai pensé à cette histoire? Quando io ho pensato a questa storia, a questo problema. Non, j'ai pensé en fonction d'un séminaire que je fais maintenant sur la constitution politique du monde grec. Ci ho pensato appunto a proposito di un seminario che ho fatto sulla costituzione della politica del mondo greco. Et où effectivement ce qui me paraissait évident. E quello che mi pareva chiaro. C'était cette idée. Et là, cette idée de la communauté politique responsable d'elle-même, de la comunità politica responsabile d'essa stessa, di se stessa, qui à mes yeux, dans le monde où ça apparaît, est une création nouvelle, che agli occhi nel mondo in cui appare è una creazione nuova, parce que évidemment ça n'existe pas dans le monde du despotisme asiatique, che non esiste nel mondo del despotismo asiatico, où il y a le roi, les prêtres, etc., mais le peuple, bon, c'est... dove ci sono i re, i preti, ma il popolo non è importante. Comme l'a dit Finlay d'ailleurs, dans on ne peut même pas dire en égyptien ou en babylonien, non si può dire in egiziano o in babilonese, libre par opposition à esclave, libero in opposizione allo schiavo. Le terme n'existe pas dans la langue. Bon, là c'est un ancien newspeak. È un termine che non esiste nella lingua. Parce que tout le monde est ni libre ni esclave, il est sujet du roi, c'est tout. Nessuno è libero, schiavo, bon. È soggetto del re. Hein? Le mot état n'existe pas. Et le mot état n'existe pas, parce que... La parola stato non esiste. Alors, donc, ça qui est vrai, moi je tiens que c'est vrai. Ciò che è vero, che ritengo che sia vero. Je veux dire, je crois que quand je publierai ça, il y aura effectivement des professeurs d'université qui auront le rouge aux joues. Ils ne se suicideront pas parce que là, ils n'ont plus le sentiment de l'honneur. Alors, credo che quando pubblicherà questi scritti, sicuramente ci saranno dei professori che arrossiranno, chiaramente non si suicideranno. Parce qu'il n'y a plus d'honneur universitaire. Non, perché non esiste più l'onore universitario. Mais pourquoi je suis arrivé à cette idée? Ma enfin, perché sono arrivato à cette évidence idea? Parce que j'ai un intérêt à la fois théorique et politique. Perché ho un interesse teorico e pratico. À partir de l'idée effectivement. A partire dall'idea, effettivamente. Qu'à mes yeux le point central pour l'action politique. Che dal mio punto di vista è il punto centrale dell'azione politica. C'est la collectivité, la communauté politique autonome et souveraine. È la collettività politica autonoma e sovrana. Et bon. C'est ça que je retrouve dans le monde grec. Et quello che ritrovo nel mondo greco. Et c'est ça qui me permet aussi de voir certaines choses. E che mi permette anche di vedere determinate cose. Alors peut-être que je me trompe, tout ça c'est pas là. La vérité révélée. Naturalmente mi posso sbagliare. La discussion peut continuer, n'est-ce pas? Si può continuare la discussione. Mais je crois que on peut précisément. Ma credo che si possa precisamente atteindre certaines vérités de ce type, raggiungere certe verità di questo tipo, et on a après la satisfaction, si je peux dire, de voir, e si può quindi con soddisfazione vedere poi, que à partir du moment où ce point-là a été mis en avant et mis en lumière, a partire dal punto in cui questo punto è stato messo in luce, toute une série d'autres aspects s'éclairent aussi bien pour le monde grec que, par, comme je le disais, par rapport au monde féodal et moderne et la conception de la territorialité du pouvoir politique, etc. Une autre série d'éléments vengono chiarissi à partir du monde grec, du monde médiéval, du monde. Bon, alors, je prends maintenant le troisième point de Eduardo, parce qu'il est lié à ça. Quand tu dis que tu n'es pas convaincu que dans l'histoire occidentale il y a deux cassures seulement, quando dici di non essere convinto che esistono soltanto due rotture nel mondo occidentale, et que les choses sont beaucoup plus complexes, che le cose sono più complesse, c'est évident que les choses sont beaucoup plus complexes, è chiaro, et sont d'une infinie complexité d'ailleurs, molto più complesse, et c'est évident qu'il y a aussi d'autres ruptures qui ont leur importance. Ci sono state altre rotture che hanno la loro importanza. Ma se moi j'insiste sur ces deux ruptures. Insisto su queste due rotture, se io insisto su queste due rotture. C'est d'abord parce que je crois qu'elles sont les plus importantes qualitativement. Che siano le più importanti dal punto di vista qualitativo. Je veux dire par là que. Bon, je sais pas. En général, quand on voit l'histoire ou les différentes sociétés qui ont existé, voglio dire che guardando la storia dal punto di vista generale, le varie società che sono esistite, on peut faire toute une série de classifications. Si possono fare una serie di classificazioni. De catégorisation. Di categorizzazioni. Mais ces catégorisations, ma queste categorizzazioni ne sont pas toutes au même niveau, non sono tutte allo stesso livello. Il y en a dont je crois qu'on peut montrer qu'elles sont plus importantes que d'autres. Ce ne sono certe che sono più importanti di altre. Et bien entendu. Et naturalmente. Là encore, les catégorisations qu'on fait. Anche in questo caso le categorizzazioni che vengono fatte. Bien entendu, dépendent du point de vue qu'on prend. Dipendono dal punto di vista che si prende. Et de l'intérêt théorique et pratique. Ed è l'interesse pratico e teorico che si ha in esse. Bon, j'ai l'habitude de plaisanter dans les discussions, je ne dis pas ça pour dénigrer quoi que ce soit. Mi piace scherzare nelle discussioni, non faccio per denigrare. On peut catégoriser les sociétés humaines entre sociétés à pantalon et sociétés à jupe, n'est-ce pas? Si possono categorizzare le società. C'est peut-être important pour un historien du vêtement. Bon, pour moi et pour nous, je crois, c'est pas important. On peut les catégoriser, là on arrive à des choses moins amusantes et moins triviales. Si possono catégoriser. Bon, la catégorisation marxienne ou marxiste. Per esempio quella marxiana e marxista. Les modes de production. I modi di produzione. Qui est justifié dans le cadre marxiste. Qui viene giustificato. Parce que comme ça va avec une théorie de l'histoire suivant laquelle c'est le mode de production qui détermine tout. Poiché viene accostato al fatto che la teoria della storia è che il modo di produzione che tutto determina. Bien entendu, il faut se centrer sur les modes de production et prendre les asiatiques, les esclavagistes, les féodaux. Bisogna concentrarsi appunto sui modi di produzione, quindi prendere appunto quelli che facevano schiavi, senza. Bon, moi ce qui m'importe, je le dis tout de suite, comme catégorisation dans l'histoire. Quello che poco mi importa come categorizzazione della storia. C'est d'une part ce que j'appelle les sociétés hétéronomes. È quello che definisco, che mi interessa. Che oui. Definisco le società eteronome, le società eteronome. Et de notre côté, les sociétés où pour la première fois des embryons, des éléments d'autonomie apparaissent. O le società nelle quali ci sono per la prima volta gli embrioni di questa autonomia. Et c'est en ce sens-là que je dis, alors peut-être j'ai tort concrètement. Non, mais c'est là où c'est le problème parce que, regarde, c'est pas bien. C'est exactement le deuxième siècle, la date de la naissance de l'État moderne. Oui, non, oui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, comment est-ce que je vais dire? Est-ce qu'il y a une cassure à ce moment-là, avec une situation qui existait, ou il y a la production d'une situation nouvelle? Si on la regarde du côté négatif, c'est-à-dire on la regarde du côté de la liberté, et ce qui apparaît à ce moment-là, c'est une déstructuration d'un type de rapport de force en dernière instance pour donner naissance, pour voir apparaître une structure supra-communautaire, c'est-à-dire quelque chose qui commence à organiser la vie sociale en fonction d'un principe de hiérarchie, d'un principe de pouvoir. Bon, mais je te répondais que tu me traduis. Alors, lui dit, appunto, vede il XII secolo come la nascita dello Stato moderno. Ossia, si chiede se è una rottura con la situazione che esisteva prima o una produzione di una situazione nuova. E se la si guarda dal punto di vista della libertà, ci sono tutta una serie di forze che vengono appunto organizzate per dare origine a una struttura. Che organizza una vita sociale basata sulla gerarchia. Oui, sur ce point spécifique, quand je prends le 12e, 13e siècle, enfin la fin du Moyen-Âge, ce pourquoi je prends cette date. Su questo punto specifico, quando prendo appunto la fine del Medioevo, 12e, 13e secolo. C'est parce que c'est le moment où apparaît vraiment. È perché è il momento in cui appare. La proto-bourgeoisie, la proto-borghesia, c'est-à-dire où se reconstitue à nouveau, dove si ricostituisce di nuovo, des communautés politiques. Comunità politiche. C'est de ce point de vue. Alors l'histoire européenne moderne est infiniment plus complexe que l'histoire ancienne, la du monde grec. Europea moderna è molto più complessa rispetto a quella del mondo greco. Le monde européen est beaucoup plus multidimensionnel. Il mondo europeo ha più dimensioni. Parce qu'il y a cette naissance, cette autocréation de la commune bourgeoise. Perché c'è questa autocreazione della comunità, della città, qui sort du monde féodal. Che esce dal mondo feudale. Mais il y a en même temps l'énorme importance de l'Église. Ma c'è nello stesso tempo l'enorme importanza dell'Église. Et la monarchie qui commence à créer l'État centralisé, qui est autre chose. La monarchia che comincia a créer. Etc. Mais pour moi l'élément déterminant de mon point de vue là-dedans. Ma il punto determinante per me. C'est la reconstitution d'une communauté politique. È la ricostituzione di una comunità politica. Évidemment, l'État apparaît là-dedans comme un élément négateur de la liberté. Lo Stato qua appare come un elemento negatore della libertà. Et là, on le sait, dans la première phase, dans un premier siècle, il y a un jeu à trois ou à quatre partenaires qui se déroule, n'est-ce pas, entre l'Église, la monarchie, les villes et les restes de la féodalité, des alliances qui se font et se défont. Mais c'est ça que je prends, c'est-à-dire la reconstitution d'une communauté politique. Alors, c'est... Esistevano appunto all'interno tre o quattro forze che si combattevano sulla monarchia, sulla chiesa, sulle varie comunità, eccetera. In questo senso allora lui diceva si crea una... Come? Sì. Si crea appunto una nuova comunità politica. Allora, categorizzazione delle società entre eteronome e là où l'eteronomie commence à être rompue. Quindi una categorizzazione delle società che erano eteronome e una quelle invece in cui questa eteronomia cominciava già a spaccarsi. E alors, bon, du point de vue non seulement théorique d'ailleurs, mais pratique très important. Quindi dal punto di vista non soltanto teorico ma anche pratico. Autre catégorisation. Un'altra categorizzazione. Qui n'est pas exactement une subdivision de la première. Che non è proprio una suddivisione della prima. C'est qu'à l'intérieur des sociétés hétéronomes. E che all'interno delle società eteronome. On a des sociétés avec état et très forte division sociale, division antagonique et asymétrique et domination. Esistono degli stati o delle organizzazioni che si oppongono. Et on a sans doute à mes yeux de société. E se, c'è senz'altro una misura della società. Où il y a une articulation sociale. Dove esiste un'articolazione sociale. Mais où cette articulation n'est pas une division antagonique et asymétrique. Ma in cui questa divisione non è un elemento antagonista. Une division entre dominant et dominé. Una divisione tra dominante e dominato. Il est à mes yeux évident que dans nombre de sociétés sauvages, il n'y a pas une division en dominant et dominé. È chiaro per lui che nelle civiltà selvagge non esiste questa divisione tra dominati e dominanti. Bon, avec toujours le problème qu'on peut pas oublier, qu'il faut considérer comme tel, de la position des femmes par rapport aux hommes. Bon, sempre considerando aussi. Il punto della posizione donne e uomini all'interno di questa società. Mais c'est quand même pas pareil. Ma non è la stessa cosa. Que les hommes sont un état qui a une population subjuguée qui est les femmes, même s'il y a une inégalité réelle. Il n'y a pas de domination non plus sur les hommes, enfin, d'hommes sur femmes ou vice-versa. Il y a une inégalité, mais je ne crois pas que c'est comparable avec un rapport de domination comme l'entendons dans les sociétés divisées. Non, parce que j'entendais ricaner dans la salle, je crois que c'est quand même important de... Parce qu'on touche un point qui est toujours très sensible. Oui, bon, c'est un point qui est à discuter sans doute, ou qui dépend aussi du matériel empirique. Alors, prima diceva appunto che questo rapporto non è detto che gli uomini costituiscono lo Stato e le donne la popolazione, quindi questa divisione non è forte come può essere tra dominati e dominanti. Che scusa è Diman, no? Que c'est un point difficile, on peut en discuter, et c'est aussi un point qui dépend du matériel empirique aussi. C'est un point qui dépend du matériel empirique. On ne peut pas en discuter a priori. Mais alors, donc là-dedans, quindi, qua, in questo caso, il y a encore, bon, c'est une illustration de ce qu'on disait hier soir sur la création. C'è ancora una appunto divisione della, sulla creazione, quello che si parlava di ieri sera. C'è una creazione storica. C'è una creazione storica. L'État est créé. Lo Stato viene creato. La domination est créée. Così come la dominazione. Et la pour que la domination soit créée, il faut que cette signification imaginaire sociale soit créée. Perché la dominazione sia creata occorre creare anche le significazioni. C'est-à-dire le rapport de domination. Cioè il rapporto di dominazione. Che n'est pas du tout évident, qui tombe pas du ciel. Che non è evidente, che non viene dal cielo. Je dirais de façon un peu provocante. Direi in modo un po' provocante. Moi je crois pas du tout à une bonne nature humaine ni à une mauvaise nature humaine. Bon. Non credo a una natura umana buona o cattiva. Mais dans les rapports entre êtres humains. Ma nei rapporti tra esseri umani. Il est infiniment plus naturel de voir dans l'autre. È molto più naturale vedere nell'altro. Un ennemi à exterminer. Un nemico da sterminare. Ou quelqu'un à tuer et à manger. Qualcuno da mangiare o da uccidere. C'est plus naturel. È più naturale che di voir un objet à dominer et à exploiter. Che non vederci un oggetto da poter sfruttare o dominare. Ça c'est tout à fait artificiel et arbitraire. Cioè artificiale e arbitrario. Parce que j'ai faim, je te mange. Bon, encore maintenant, un avion est tombé sur les Andes. Bon, on a mangé les uns les autres les cadavres, je ne sais pas. Bon. È più naturale mangiare, appunto, come è successo sulle Ande, gli altri che non hanno dominato. Mais que tu es un objet à dominer, à exploiter, ça c'est une invention complètement folle. Ma il fatto di poter dominare qualcuno è qui montre la puissance folle de l'imaginaire radical, de créer des choses surréelles. Che dimostra la potenza dell'immaginario radicale che può creare delle cose assurde, surreali. Et qui s'est créé à un moment dans l'histoire. E che si crea nella storia. Et qui a entraîné des choses. E che ha comportato delle cose dont les marxistes font la cause et l'explication. Di cui i marxisti fanno la causa, di cui ne fanno la causa, danno la spiegazione. Par exemple, vous le savez, vous avez lu, hein? La cause et l'explication. Oui. J'avais lu Marshall, Salins, etc. Avevo visto Marshall. Dans la plupart des sociétés sauvages. Nella maggior parte delle società selvagge. On travaille 2, 3, 4 heures par jour, si hommes et femmes. Si lavora uomini e donne 3-4 ore al giorno. Bon, alors les marxistes disent il n'y a pu y avoir d'esclavage qu'à partir du moment où le niveau des forces productives. I marxisti dicono non ci sarà più schiavitù al momento in cui le forze di produzione se sont suffisamment développées. Si saranno sviluppate in modo sufficiente. Pour pouvoir exploiter quelqu'un sans le faire mourir de faim. Per poter sfruttare qualcuno senza farlo morire di fame. C'est une connerie. È una stupidaggine. L'exploitation est née à partir du moment où on a où il y a eu cette signification imaginaire sociale. Lo sfruttamento ha cominciato a partire dal momento in cui la significazione immaginaria sociale. Où on a pu penser l'autre être humain comme un objet à dominer. Si è potuto pensare l'altro come un oggetto. Et donc le faire travailler 12 heures par jour entre autres. E quindi farlo lavorare 12 ore al giorno tra le altre cose. Bon, alors il y a donc cette autre division entre société, disons, sans état ou sans domination et société avec domination. Ci sono quindi altre divisioni tra società senza stato e società con questa divisione. Qui bien entendu nous importe énormément. Che è importantissima per noi. Puisque pour nous aujourd'hui. Poiché per noi oggi. Nous vivons cette situation, si je peux dire, étrange. Viviamo questa situazione strana, se così si può definire. C'est-à-dire une société où l'hétéronomie. Una società in cui l'eteronomia. N'est pas de l'hétéronomie dans l'abstrait. Non è astratta. Mais elle est matérialisée, incarnée. Ma è materializzata, incarnata. Aussi par la division dominant-dominé. Anche dalla divisione dominanti-dominati. Et par l'existence, effectivement, d'un appareil de domination. E dall'esistenza di un apparato di dominazione. Et d'une signification imaginaire sociale qui s'incarne dans cet appareil de domination. E d'una significazione immaginaria sociale che si incarna in questo apparato di dominazione. Qui est l'État, bien sûr. C'est évident, c'est absolument évident. Et là, hein, l'État s'autonomisant par rapport à la société, etc. Alors, je crois que Edouard a tout à fait raison de rappeler ce problème. Bon, moi pour l'instant, je n'ai pas plus à dire là-dessus. Non ho per ora nulla da dire, da aggiungere. Bon, ça n'a sans doute pas grand intérêt. Non, de grande importance, de grand intérêt. Il est certain que empiriquement. È certo che a livello empirico. Étant donné mes origines. Dando per appunto scontato le mie origini. Et donc le travail que j'ai fait pour me dégager du marxisme et l'horizon que j'avais. Il lavoro che ho fatto per potermi sganciare dal marxismo e appunto le ricerche che ho fatto. Mes efforts d'analyse théorique comportaient beaucoup plus. I miei sforzi di analisi teorici comportavano molto di più. Sur le problème du capitalisme comme signification imaginaire, comme système qui fonctionne, qui a des antinomies, des contradictions, etc. Un sistema capitalistico come appunto organizzazione di significazioni immaginarie e sociali. Que sur le problème de l'État comme tel. Et non sur le problème dello Stato in quanto tale. Ce n'est que depuis maintenant 2 ou 3 ans que je commence à vraiment réfléchir le problème pour lui-même, si je peux dire. Bon, alors. C'est solo da 2 o 3 anni che rifletto su questo problema in quanto tale. Bon, alors là, effectivement, entrent aussi toutes les questions de l'idéologie, de la différence entre la conscience et la représentation des gens et la vraie réalité de la société. Bon. Et qui entra tutto il discorso appunto dell'ideologia, della coscienza, delle persone. Alors, dernier petit. Enfin, point où je serai bref, il n'est pas petit, mais enfin, Eduardo demande pourquoi je n'utilise pas le fantasme, enfin, la notion de fantasme. Mi chiedeva appunto, primo punto, perché non utilizzo il fantasma. Bon, la raison pour laquelle je ne l'utilise pas quand je parle de ces choses. La ragione per cui non l'utilizzo quando parlo di questo. C'est que il me semble rigoureux. Mi sembra rigoroso. De réserver la notion de fantasme. Di riservare il concetto di fantasma. À la sphère du sujet psychique, n'est-ce pas? Alla sfera del soggetto psichico. Je ne veux pas parler, par exemple, de fantasme social. Non voglio C'est pour ça que je parle d'imaginaire social, de significatif. Bon. Di fantasma sociale. Alors, quand on parle du sujet psychique, bien sûr. Quando si parla del soggetto psichico. La jonction entre l'institution de la société. Legame tra l'istituzione della società. Et le psychisme subjectif. Il psichico soggettivo. Se fait par toute une réélaboration. Si crea con una rielaborazione du psychisme sous l'emprise de la société, della psiche sulla società, et le résultat est sans doute des formations fantasmatiques secondaires. Il risultato è una formazione fantasma secondaria, fantasmatica secondaria, qui en un sens représente la traduction subjective. Che rappresenta in un senso la traduzione soggettiva du monde social, n'est-ce pas? Del mondo sociale. Bon, mais ça, c'est un problème. Moi, je le vois un peu différemment. Tu le vois différemment. Bon, mais ça aussi, pour moi, c'est un des champs où je travaille depuis 2 ou 3 ans, c'est-à-dire, bon, le problème de la socialisation de la psyché. Questo è un problema su cui lavoro da parecchi anni, ossia la socializzazione della psiche. E come ça se fait, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, cosa vuol dire e come si crea? Buongiorno che un po'. Ecco, allora il seminario Cattoriati finirà alle 3 perché deve partire all'aeroporto per le 4:30. Quindi noi pensavamo, se eravamo tutti d'accordo, e lo saremo,